Pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est fort là. T'entends ? Attends, j'essaie de dessus. Vas-y. Non, non, c'est un peu l'octaveur, c'est pas bien. We'll be right back. c'est nul, hein. Talking, un peu chiant. Bien celui-là, tiens. Attends, c'est pas calé. Merde. Pourquoi c'est ce qu'elle passe? Ça se cale plus, cette merde. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ça lance pas, moi. Oui, c'est ton. Ah d'accord, j'ai pas mis la barre. J'ai un petit problème pour le loop. Tu sais, le loop là, je sais pas. Il manque les barres pour que ça soit bien carré là. Enfin, je m'explique mal. Tu vois, c'est un book. En plus, il faut agrandir ce truc. Je suis un peu paumé. J'agrandis. Tac, tac, tac. Voilà. Ça fait une mesure. Enfin, une mesure. Ah, d'accord. Il faut toujours grossir. Quoi. Le cadenas. Ah, il est où le cadenas? Snap enable, c'est ça? Ça marche pas le cadenas. La barre à droite à gauche. Par exemple, là ça met la piste. Ouais, là c'est blanc. Attends. Là c'est blanc. Oui, sous le métronome. Métronome il est là. Et là, locking time sélection. Gris. Looking time selection, looking off. Looking time selection. Okay. Et là, attends, donc là-bas, j'ai encore, et encore, non, par contre, s'il pousse encore, ça stoppe tout. Ah, attends, mais là, par exemple, j'en ai mis 4 d'un coup, 2, 3, 4. Voilà, j'en ai mis à la suite. On voit bien qu'il y en a une qui est décalée là. Merci, là. Alors que le coup est à côté, putain. Ah, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est vrai. C'est mieux là. Il y a encore un truc. Tu vois? Non, là ça va pas. Par exemple, j'ai mis 4 parties. Merci, plus synchro là, qu'est-ce que j'ai fait? Des marqueurs, oui. Oui. Oui, j'ai ça. Ouais. Et ces marqueurs, on n'arrive pas à les caler, quoi. Tu vois, par exemple, apparemment. Contrairement. Si ça change au long de la boucle. Ouais, mais mon marqueur, il est sur le départ. Je crois qu'il va falloir mettre. Attends, je sais pourquoi. C'est. Quand ça met les mesures partout là, c'est View. View. Région marqueur manager. Des petites des barres partout là pour que ça soit bien calé. Je sais plus comment on fait. View. Ah, show hide floating windows. Non, c'est pas ça. C'est view. C'est show. Ah, c'est ça. Non. C'est pas ça. Transport. Non mais je m'explique mal. Ça fait des grandes lignes. Après tu peux passer qu'une mesure à l'autre, quoi. Tu sais, la flèche elle se met bien positionnée. Ça va être dans région performance. C'est pas dans View alors. Track. C'est pas dans. C'est pas dans Track. C'est dans quoi? Option. Snap Grid. Voilà, ça doit. Option Snap Grid. Show Grid. Voilà. Option Snap Grid. Show Grid. Putain, je suis. Bah, ça y fait rien du tout, ça en fait. Voilà, c'est ça. C'est... Tu fais ça, tu vois. Voilà. C'est ça qu'il fallait que je fasse. C'est pour ça que ça marchait pas. Non, mais je le répète, tu fais. Faut pas que j'oublie. Hein. Option. Eh merde, ça y est, je l'ai perdu. Ce que j'ai fait. Track. Non, c'était quoi que j'ai dit? Putain, je suis fatigué, moi, je suis trop bossé aujourd'hui. Track. Et merde, je me rappelle plus que. Si, option, snap grid, et là faut prendre show grid. Et là voilà, c'est pour ça que ça marchait pas. Je crois que c'est ça. Oui, mon délire, ouais, excuse-moi. Attends, je vais virer tous mes effets. Là. Voilà, ça c'est ma voix normale. Oh mon dieu, je suis tout nu. Ça y est, tu veux voir? Alors je vais faire ce que tu m'as dit. Ah merde, ça marche plus. Ah bah ça marche pas. Ah bah non. Ah si, d'accord, tac. Oh, quand c'est mort, je suis désolé, ça marche pas. Il faut une bêtise. Là, il est, ça va revenir. Donc, barre d'espace. C'est pas super carré, hein. Si? Bug quelque part. Moi je crois qu'il y a encore un bug là. Là il y a un bug. Non? Bizarre, c'est ici. C'est pas normal ça. Merde, ça part pas là, putain. Pourquoi c'est pas parti? Pourquoi c'est pas parti? J'ai appuyé sur l'espace. Merde. Et là, ça marche. Si, si, j'écoute, hein. Alors, je vais essayer. Par exemple, j'ai mis 4 trucs. Mettre des... Après, tu veux mettre des fils. Oh, salaud. C'est bien. C'est bien. Mais en fait, tu m'as fait attendre des mois, quoi. Ça fait des mois qu'il pouvait galérer, tu sais. Il a eu la pitié, là. Putain, pauvre. Ah, mais moi je suis nul hein, en informatique, tout ça. Bon, je vais essayer de mettre un fil au milieu pour voir ce que ça donne. J'essaye. Oula. J'essaye de mettre un truc. Ils sont où les fils là? Ils sont là. Pas tout compris encore, mais ça vient. Ouah, putain, mais c'est nul ces fils. Qu'est-ce que c'est que ces fils qu'ils ont fait là? Ah, mais c'est 4-4. Ouais. Ces filles, j'ai pas compris. Ils sont bizarres ces filles. Les... Non. Non, mais regarde, c'est des...